Chapitre 3e. Le comte de Ségur et ses amis auraient souhaité voir Rochambeau et Washington pousser leur succès et débloquer les Anglais de New York, où ils étaient toujours établis. Mais une telle aventure risquait de coûter inutilement trop de vie, alors que l'ennemi reconnaissait sa défaite, et d'ailleurs, les ordres que le comte de Ségur avait apportés à Rochambeau comportaient un autre plan. On l'adopta. Il s'agissait de faire diversion du côté des Antilles, afin d'empêcher l'Angleterre de s'obstiner dans la lutte sur le sol même des États, et par là on brusquerait la paix. Conformément à ce dessein, l'armée et la flotte des Alliés se porterèrent sur Providence. L'escadre française mouilla plusieurs semaines dans ses eaux avant de remettre à la voile et de quitter définitivement les côtes américaines. Cette trêve fut une occasion dont les jeunes officiers français ne manquèrent pas de profiter pour observer de plus près qu'ils ne l'avaient fait encore les femmes et la société américaine. Le prince de Breuil résume dans son journal ses impressions. Parlons un peu des dames. C'est toujours un article important pour un Français. Je fis à Douvres, petite ville assez jolie de 1500 habitants, mon entrée dans la société anglo-américaine sous les auspices de Monsieur de Lauzun. Je ne savais encore dire que quelques mots anglais, mais je savais fort bien prendre du thé excellent, avec de meilleures crèmes. Je savais dire à une demoiselle qu'elle était pretty, et à un monsieur gentleman qu'il était sensible, ce qui signifie à la fois bon, honnête, aimable, etc., au moyen de quoi j'avais les éléments nécessaires pour réussir. Monsieur de Luzerne, que ses fonctions de plénipotentiaire conduisaient à Philadelphie, s'était fait le cicérone du prince. Il l'accompagna chez la femme du contrôleur général des États, Madame Morris. On trouva une maison, simple mais régulière et propre, les portes et les tables d'un bois d'acajou superbe et bien tenu, les serrures et les chenets de cuivre d'une propreté charmante, les tasses rangées avec symétrie, la maîtresse de la maison d'assez bonne mine et très blanchement attournée. « Je pris du thé excellent, écrit-il, et j'en prendrai, je crois encore, si l'ambassadeur ne m'avait pas averti charitablement à la 12e tasse qu'il fallait mettre ma cuillère en travers, quand je voudrais que cette espèce de question d'eau chaude prît fin. Attendu, me dit-il, qu'il serait presque aussi malhonnête de refuser une tasse de thé quand on vous la propose, qu'il serait indiscret au maître de la maison de vous en proposer de nouveau quand la cérémonie de la cuillère a marqué vos intentions. » Le prince de Breuil a bien entendu un coup d'œil pour les autres dames de l'assistance. Il distingue d'abord ce quelque chose d'emprunté que dans une certaine mesure elles tiennent de leur origine allemande. Les dames de Philadelphie, dit-il, quoique assez magnifiques dans leur habillement, ne sont pas généralement mises avec beaucoup de goût. Elles ont dans leur coiffure et dans leur tête moins de légèreté et moins d'agrément que nos françaises. Quoique assez bien faites, elles manquent de grâce et font assez mal la révérence. Elles n'excellent pas non plus dans la danse, mais en revanche, elles savent bien faire le thé. Ceci divertit encore davantage ce Français de grande maison. Il voit poindre autour de lui quelques soupçons de snobisme. C'est un péché léger où Philadelphie se complète encore. Les gens de la ville qu'ils veulent compter y sont tenus d'étouffer leurs habitations dans les étroites limites d'un petit espace de terrain que l'on nomme l'hectare de Dieu. L'esprit qui règne à Philadelphie, remarque à ce sujet le prince de Breuil, est entièrement républicain. Il devrait donc, ce me semble, entretenir parmi les habitants la plus parfaite égalité. Cependant, la vanité et l'amour-propre, passions si naturelles à l'esprit humain, commencent déjà à s'y faire sentir, et quoique les mots de noblesse et de distinction quelconque en soient bannis, les habitants qui peuvent dater leur séjour à Philadelphie du moment de sa fondation s'arrogent déjà quelques privilèges, et cette présentation est même plus marquée parmi ceux qui joignent de grandes richesses à ce grand avantage. Au contraire, Boston apparaît aux jeunes voyageurs sous un aspect plus raffiné. La ville, fort commerçante en temps de paix, réunit nécessairement un grand nombre de gens aisés et une petite quantité de négociants fort riches. Le luxe s'y est établi plus anciennement que dans toute autre ville d'Amérique. Il y a prospéré, au moyen de quoi cette ville est une de celles où, pour la société ainsi que pour la bonne chère, on s'éloigne le plus de cette rusticité un peu grossière des usages américains. On y boit de meilleurs vins, on a des serviettes de table, chacun boit dans son verre, on change d'assiette aussi souvent que l'on veut. C'est vraiment de la magnificence. » Il y eut pourtant une ville pour trouver grâce devant cet observateur si clairvoyant, et ce fut Newport, qui semble bien avoir été au XVIIIe siècle comme aujourd'hui le centre le plus mondain de la vie américaine. « Newport, dit le prince de Breuil, ce lieu charmant, regretté par toute l'armée, car c'est ainsi que chacun en parlait. » Averti qu'il trouverait là toutes les élégances du pays, le prince et ses compagnons de voyage n'avaient eu rien de plus pressé que de faire connaissance avec la société. Dès le soir de leur arrivée, le colonel de Vauban, arrière-petit-neveu du maréchal, les introduisit chez un monsieur Champlain, assez distingué par ses richesses, mais beaucoup plus connu dans l'armée par la figure charmante de sa fille. Elle n'était pas au salon au moment où nous y entrâmes, raconte le prince de Breuil, mais elle parut l'instant après. Il est inutile de dire que nous l'examinâmes avec attention. C'était la traiter favorablement, car le résultat fut de lui trouver de beaux yeux, une bouche agréable, une fraîcheur parfaite, une jolie taille, un joli pied et une tournure tout à fait désirable. Elle joignait à tous ces avantages celui d'être mise et coiffée avec goût, c'est-à-dire à la française, d'entendre et de parler notre langue. Quelques autres ladies avec lesquelles je fis connaissance achevèrent de me convaincre que Newport renfermait plus d'une rose. Toutes ces jeunes personnes paraissaient regretter beaucoup notre armée. Elles nous avouèrent qu'il n'avait plus été question d'amusement ni de bal depuis le départ des Français. Cette petite complainte nous engagea, le comte de Ségur, Vauban et moi, ainsi que plusieurs autres jeunes gens de notre armée, à donner un bal à ces aimables désolés. Nous n'éprouvâmes ni refus ni difficulté quand nous parlâmes de danse. Il se rassembla environ 20 dames ou demoiselles charmantes. Elles étaient mises à merveille. Elles eurent l'air de s'amuser. Nous toastâmes fort gaiement, tout se passa fort agréablement. Le charme des jeunes filles de Newport devait laisser dans le souvenir du comte de Ségur une impression plus profonde. Il sentit qu'elles étaient dignes d'attachement. Il a analysé avec sa finesse ordinaire la qualité de la séduction qu'il éprouva. La ville de Newport, dit-il, très bien bâtie, bien alignée, contenait une population nombreuse dont l'aisance annonçait le bonheur. On y formait des réunions charmantes d'hommes modestes, éclairés, et de jolies femmes dont les talents embellissaient les charmes. Les noms et les grâces de Miss Champlain, les deux Miss Hunter et de plusieurs autres sont restés gravés dans le souvenir de tous les officiers français. Un être, qui semblait tenir plus de la nymphe que de la femme, c'était Polly Layton, la fille d'un grave Quaker. Sa robe était blanche comme elle. La mousseline de son ample fichu, la batiste ambieuse qui laissait à peine apercevoir ses blonds cheveux, enfin les simples atours d'une vierge, semblaient s'efforcer en vain de nous voiler la taille la plus fine et de nous cacher les traits les plus séduisants. Ses yeux paraissaient réfléchir, comme deux miroirs, la douceur d'une âme pure et tendre. Elle nous accueillit avec une confiante naïveté qui me charma, et le tutoiement que sa sec lui prescrivait donnait à notre nouvelle connaissance l'air d'une ancienne amitié. Je doute qu'aucun chef-d'œuvre de l'art pût éclipser ce chef-d'œuvre de la nature. C'était le nom que lui donnait le prince de Breuil. Dans nos entretiens, elle m'étonnait par la candeur originale de ses questions. « Tu n'as donc en Europe ni femme ni enfant, me dit-elle, puisque tu quittes ton pays pour venir si loin faire le vilain métier de guerre ?»« Mais c'est pour vos intérêts, lui répondis-je, et c'est pour défendre votre liberté que je viens me battre contre les Anglais. »« Les Anglais, reprit-elle, ils ne t'ont point fait de mal, et notre liberté, que t'importe ? Il ne faut jamais se mêler des affaires d'autrui. » Que pouvais-je répondre à cet ange ? Car en vérité, je fus tenté de croire que c'en était un. Ce qui est certain, c'est que si je n'avais pas été marié et heureux, tout en venant défendre la liberté des Américains, j'aurais perdu la mienne aux pieds de Polly Layton. Bien qu'il ne soit encore question ni du flirt et de ses complications, ni des droits de la femme et de leurs exigences, ces Américaines du XVIIIe siècle apparaissent au comte de Ségur en possession d'une merveilleuse liberté. Les parents, dit-il, nous laissent seuls avec leur fille de 16 ans, dont la pudeur est la seule défense et dont la familiarité naïve atteste l'innocence et se fait respecter par les gens les plus corrompus. À supposer que par la suite, ces jeunes Américaines aient quelque peu abusé du respect qu'elles inspiraient, et qu'elles en aient profité pour changer en crainte l'ardeur chevaleresque qu'on leur apportait en hommage, il apparaît clairement, d'après ces témoignages, qu'à la minute où les officiers français les connurent, elles étaient simples et tendres de cœur, étrangères à toute préoccupation de féminisme. Le comte de Rochambeau a caractérisé en trois mots leurs sentiments et leur attitude. Les jeunes filles, dit-il, sont libres jusqu'à leur mariage. Leur première question est de savoir si vous êtes mariés, et si vous l'êtes, la conversation tombe à plat. Nulle trace de ces exagérations et de ces contradictions qui, plus tard, à l'heure de la prospérité, feront alterner la fantaisie de divorces innombrables avec les élans religieux les plus sincères, les sécurités de richesses immenses avec la défiance de la maternité, le patriotisme le plus violent avec le vertige des grands mariages étrangers. À la minute de jeunesse où le comte de Ségur eut la claire vision de cette société américaine, elle lui apparut uniquement saine et morale. Parlant en effet des réunions que M. de Rochambeau donnait dans la ville de Providence, il écrit « Je ne me rappelle pas d'avoir vu réunis dans aucun autre lieu plus de gaieté et moins de confusion, plus de jolies femmes et de bons ménages, plus de grâce et moins de coquetterie, un mélange plus complet de personnes de toute classe, entre lesquelles une égale décence ne laissait apercevoir aucune différence choquante. Cette décence, cet ordre, cette liberté sage, cette félicité de la nouvelle République, si mûre dès son berceau, était le sujet continuel de ma surprise et l'objet de mes entretiens fréquents avec le chevalier de Chastellux. » Une dernière lettre écrite par le comte de Ségur à sa femme au début du mois de décembre, quand la flotte française se disposait à lever l'ancre définitivement et à cingler vers les Antilles, précise ses impressions. Cette lettre, datée du port de Boston, à bord du vaisseau Le Souverain, mérite d'être citée tout entière, car elle est comme un résumé des observations que le contact avec cette société si nouvelle allait laisser dans le souvenir du jeune voyageur français. « Je vais mettre à la voile demain ou après-demain, et je vais quitter avec un regret infini ce pays où l'on est ce qu'on doit être, loyal, franc, honnête et libre. On y pense, on y dit, on y fait ce qu'on veut. On n'y est nullement forcé d'y être ni riche, ni bas, ni faux, ni folle, ni courtisan, ni militaire. On peut y être simple, extraordinaire, voyageur, sédentaire, politique, littérateur, marchand, occupé, oisif, personne ne s'en choque. En suivant un petit nombre de lois simples, en respectant les mœurs, on y est heureux et tranquille. C'est en les bravant qu'on est à la mode à Paris. J'ai été traité en frère par toute l'Amérique. Je n'y ai vu que confiance publique, hospitalité, cordialité. Les filles y sont coquettes pour trouver des maris, les femmes y sont sages pour conserver le leur, et ce dont on rit à Paris sous le nom de cocuage fait frémir ici sous le nom d'adultère. Je sais que ce pays-ci ne peut pas conserver longtemps des mœurs aussi pures, mais ne les garda-t-il qu'un siècle, n'est-ce rien qu'un siècle de bonheur? Au milieu des horreurs d'une guerre civile, ils soupçonnent si peu les hommes de malhonnêteté que dans leur petite maison de bois au milieu d'immenses forêts, leurs portes ignorent les verrous et n'ont point de loquet, leurs coffres-forts restent ouverts ainsi que leurs armoires, dont les chambres des étrangers et des valets auxquels ils donnent l'hospitalité. J'ai vraiment le cœur serré en quittant ce pays-ci. » Ailleurs, le comte de Ségur avait écrit, avec cette modestie si caractéristique qu'avait été un des éléments de son succès auprès de ses nouveaux amis, « Je crois que j'ai vu l'Amérique autrement que la plupart de ceux qui y sont allés. Le fait est que cette colonie de conscience, préoccupée des libertés de l'âme, de la pensée et de la parole, charmait le jeune Ségur comme une réalisation des idées qui lui étaient chères, une application de cette philosophie qui, à son avis, devait assurer le triomphe de la raison sur la terre. Il avait, lui, le rejeton d'une famille illustre, ce lien particulier avec les simples citoyens de ce nouveau pays d'outre-mer. Comme eux, il avait formé son caractère dans l'action même. Aide de camp de son père à 14 ans, lieutenant de cavalerie à 16, capitaine à 18, placé à 22 ans à la tête d'un régiment, il avait contrôlé par une expérience précoce ses idées et son rêve. « Quelle distance de lui à presque tous les jeunes gens de son état !» s'écriait d'Alembert en lisant quelques pages de ce jeune homme qu'il ne connaissait point. l'auteur mérite que tous les honnêtes gens l'aiment, l'estiment et s'intéressent à lui. Or, cette maturité surprenante qui arrachait à un esprit aussi critique que d'Alembert un cri d'admiration ne devait être que la préface d'une des vies les plus complètes qu'il ait été donné à un homme de vivre. Ce Français qui était né la veille de la guerre de 7 ans et qui mourut au lendemain de la Révolution de Juillet allait être appelé par le destin à faire successivement figure de colonel et de diplomate sous l'Ancien Régime, d'ambassadeur extraordinaire sous la Révolution, de conseiller d'État sous le Consulat, de sénateur et grand maître de cérémonie sous l'Empire, de pair de France sous la Restauration, et entre-temps de voyageur, de poète, d'historien, de dramaturge et de membre de l'Académie. Il allait vivre dans l'intimité familière de Louis XV, de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Washington, du grand Frédéric, de Catherine II, de Napoléon, sans compter tous les satellites gravitant autour de ces astres. Nul, certes, ne fut jamais mieux placé pour juger l'histoire et les hommes qui la font. Tel était l'avis de ses amis les plus intimes, Lafayette, Boissy d'Anglas, Lamette, Daru, Barbet-Marbois, Viennet, Arnaud, Benjamin Constant, Casimir Périer, le général Mathieu Dumas, lorsque, sur la fin de sa vie, ils lui persuadèrent de rédiger et de compléter les notes qu'il avait prises quotidiennement sur les événements auxquels il avait été mêlé et sur les hommes qu'il avait vus de près. Ce fut à 7 heures de la réflexion mûrie que le comte de Ségur donna sur les États-Unis sa pensée définitive. Ces lignes semblent clore avec une nuance d'attendrissement les réflexions du jeune voyageur qui, au printemps de sa vie, avant d'avoir connu les souffrances de l'injustice et de la désillusion, s'était senti irrésistiblement attiré par le charme d'une démocratie à son aurore et par la séduction de ses mœurs de liberté. Tout dans la fondation de ces riches colonies, dans leur évolution, dans leur législation, offrit une espèce de phénomène dont l'histoire ne donne point d'exemple et qu'il faut expliquer par des causes toutes différentes de celles qui ont amené la naissance, la formation et les progrès de tous les gouvernements connus. Par un hasard étonnant, la nouvelle République de l'Amérique du Nord, fondée dans son origine, non par la conquête, mais par les transactions du Pacifique Penn, n'a eu à combattre, à vaincre aucun de ces obstacles. Les législateurs, travaillant dans un siècle de lumière, sans se voir obligés de triompher d'un pouvoir militaire, de limiter une autorité absolue, de dépouiller un clergé dominant de sa puissance, une noblesse de ses droits, une foule de familles de leur fortune, et de construire leur nouvel édifice sur des débris cimentés de sang, ont pu fonder leurs institutions sur les principes de la raison, de la complète liberté, de l'égalité politique. Aucun vieux préjugé, aucun fantôme antique ne se plaçait entre eux et la lumière de la vérité. Leurs lois, faites uniquement dans le but de l'intérêt général, ont été tracées sur une table rase, sans être arrêtés par nul esprit de classe, de secte, de parti ou d'intérêt privé. Ainsi s'achève l'Amérique au XVIIIe siècle, d'après un voyageur français, de Bessie van Borst.